J'ai au bout du fil Patrick Groux, humoriste franco-ontarien, qui est très occupé ces temps-ci. Bonjour Patrick, ça va bien? Oui, ça va bien, toi aussi. Je regardais ça, 15 ans de carrière déjà? Oui, en fait, plus que ça, 15 ans de carrière plus connu, mettons, mais moi j'ai commencé à 19 ans à faire de l'humour dans un groupe d'humour qui s'appelait Les Catalogues. On était à Ottawa, on était ensemble pendant 3 ans. Puis on a fait 150 shows partout en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick. On était même allé au Manitoba. Fait que là, j'ai commencé avec eux autres à 19 ans, puis là, j'ai 44 ans. Le grand public m'a connu, là, je te dirais, quand j'avais... ça fait peut-être 20 ans. Là, à l'âge de 25-26 ans, j'ai commencé à gagner ma vie avec l'humour. Ça a pris du temps, mais c'est ça. Fait que c'est une longue carrière déjà. Oui. ces derniers temps, tu as été beaucoup occupé avec la télé. Est-ce que tu as fait moins de scènes également? Ou? J'ai 2 enfants à la maison, puis ça faisait 20 ans que je faisais de la tournée, puis j'étais tout le temps parti. Puis les enfants, quand ils étaient bébés, ça allait, puis à un moment donné, ben ils s'ennuyaient, ils étaient petits, ils comprenaient pas trop mon métier, puis moi aussi. Fait que j'ai décidé de prendre une sabbatique là, de 4-5 ans de la tournée, de me concentrer sur mes projets télé puis tout ça. Mais je te dirais, là, depuis un an, j'ai fait du rodage pour mon nouveau spectacle. J'ai une 60aine de spectacles déjà de fait. Fait que ça avance super bien. Là. Le show, il est presque prêt, il est monté. Puis on devrait faire une grande première là à Montréal au mois de février. Mais je suis super content du show. Les réactions sont bonnes, ça va bien, les billets se vendent bien. Fait que je suis très content. Le fait de faire de la télé, de rencontrer d'autres gens, est-ce que ça là, ça t'a aidé au niveau de l'inspiration des sujets que tu voulais aborder dans ton nouveau spectacle? C'est une bonne question, ça. Peut-être. En fait, moi, j'ai animé un show de télé à TVA qui s'appelle « Dans ma tête ». Dans ma tête, ben, il y avait beaucoup de numéros de scènes. On alternait entre la scène et la fiction là, dans le concept télé, fait que j'ai été obligé d'écrire beaucoup de numéros puis d'aller les tester puis tout ça. Puis ça, je te dirais que ça m'a inspiré puis ça m'a donné le goût de revenir sur scène puis de recommencer à écrire des numéros puis tout ça puis de préparer mon prochain spectacle. Donc là, tu t'en viens faire du rodage chez nous, mais tu as déjà commencé ton rodage. Est-ce que la réaction des gens, le input que les gens t'ont laissé par après, là, est-ce que c'était à ce que tu t'attendais ou tu dis « Oh, j'ai ça, il faut que je retravaille ça » ou... Je te dirais que là, je travaille des affaires que le public se rende même pas compte. Tu sais, c'est des affaires globales, générales, parce que, tu sais, on dit rodage parce que ma première est pas sortie, mais mon show, je l'ai, là. Tu sais, c'est un show de rodage il y a 6 mois, mais là, on est très avancé, puis on peaufine des affaires. Tu sais, on est à enlever... Avant, on enlevait des paragraphes, des numéros. Là, on enlève un mot, on le déplace, j'enlève une joke. Même une joke qui marche, j'en réessaye une autre, voir si ça marche plus, mais le show, il est construit, il est bâti. Je suis super content, même que je te dirais que je commence à avoir hâte de le sortir officiellement, là, fois pour tout. Donc, tu viens nous présenter plus ou moins une avant-première. Tu es pas mal préparé à rentrer à Montréal avec le nouveau spectacle. Oui, puis j'ai hâte. Ça fait longtemps que je suis pas allé en Ontario aussi, de refaire une tournée puis de faire des shows un peu partout. C'est vraiment le fun pour moi. Moi, c'est là que j'ai commencé. Tu disais tantôt, franco-ontarien, tu sais, je suis moitié québécois, moitié franco-ontarien. Moi, toute mon adolescence, de 10 à 20 ans, je restais à Ottawa. J'allais au collège catholique Samuel Genet. Oui, oui. Fait que j'ai fait de l'impro, j'ai fait des spectacles avec mon groupe d'humour, puis j'adore l'Ontario. J'ai vraiment hâte de retourner vous voir. Puis Barrie, ben ça fait super longtemps que je suis pas allé là.